Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans le MAG sur Radioactive, un MAG en extérieur aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'à la veille de la fête de la musique, on va parler justement des festivités qui se mettent en place un petit peu autour d'Amboise. Aujourd'hui, zoom sur la commune de Mosne et je suis avec un interlocuteur qui a justement plein de choses à nous dire en la matière. Bonjour et pouvez-vous vous présenter ? Bonjour à toutes et à tous. Donc Didier, je suis le gérant propriétaire d'une petite entreprise sur Mosne qui vient de s'installer, qui est à la fois une entreprise de production et commerce dans le monde des vins et spiritueux. Alors on parle de vins et de spiritueux et on parle de fête de la musique. Pourquoi est-ce que c'est vous aujourd'hui, Didier, qui allez nous parler du programme de cette petite fête de la musique à Mosne ? Oui, déjà ça s'appelle la petite fête de la musique parce que l'objectif c'est de faire vraiment quelque chose de convivial, de simple, voilà, dans un petit village à Mosne, un petit village dynamique. Et donc voilà, ça c'est le premier petit point. Deuxième chose, moi j'ai toujours été passionné par la musique. J'étais au conservatoire, j'ai fait toutes mes études de basson, piano, guitare. Et si vous passez dans la boutique, vous verrez qu'il y a des vinyles un peu partout, il y a de la musique en permanence, il y a un piano, des guitares. Donc voilà, donc pour moi c'est quelque chose d'important. Après, on est deux nouveaux commerçants sur la place de l'église, Vincent, l'épicerie et moi-même, donc avec la maison LW. Et on s'est dit, tiens, la fête de la musique approche, avec deux, trois bénévoles, avec Delphine ou d'autres personnes. On sait que ça pourrait être super sympa pour le village de mettre en place un moment sympa, convivial autour de la musique. Et puis voilà, pour se faire un peu connaître aussi, parce que c'est important que les commerces de les villages se développent. Et voilà. Puis vous êtes déjà investi dans la vie locale, puisqu'on vous retrouve notamment sur Mosne en fête, par exemple, ou sur des manifestations comme celle-ci. Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis pas mal d'années, le village est très dynamique. Nous, on s'est installé il y a une petite dizaine d'années. Et donc oui, on participe activement à notre échelle, à tout ce qui est Mosne en fête, le village des métiers d'art. Voilà, parce que c'est un bel événement pour la commune et pour la région d'ailleurs. Alors cette petite fête de la musique, à partir du moment où l'idée a émergé jusqu'à la programmation que vous êtes en mesure de nous donner aujourd'hui, comment vous avez fait pour préparer tout ça ? Alors, la préparation, déjà, c'est une idée qui nous trottait dans la tête, qu'on a partagée avec Vincent, l'épicier, au moment où il s'est installé. Et puis, on a deux, trois amis qui sont extrêmement bénévoles et toujours partants pour organiser quelque chose. Et donc, c'est aussi grâce à eux, principalement, qui nous ont bien, bien motivés pour se lancer. Donc, il faut demander les autorisations à la mairie pour que la mairie nous soutienne, faire les arrêtés, mettre en place un plan pour la circulation, trouver les groupes, faire un coucou radioactif pour avoir quelques contacts, pour avoir quelques super groupes. Et puis, voilà. C'est un petit peu l'organisation, mais je pense que ça va être très sympa. Alors justement, cette programmation, quelle est-elle ? Déjà, on parle de la fête de la musique, mais cette manifestation, elle n'aura pas lieu le jour même de la fête de la musique. Là, on parle du samedi 22 juin. Oui, tout à fait. Samedi 22 juin, vous pouvez venir partir de 18h sur la place de l'église. Et pourquoi le samedi ? Parce que la météo est annoncée meilleure le samedi. Non, mais c'est juste que le samedi, c'était sympa. Et puis forcément, on sait que le vendredi, il y a beaucoup de concerts qui ont lieu dans les grandes villes. Et donc, nous, on est tout petits. Notre objectif, c'est de ne pas être en concurrence avec d'autres choses extrêmement bien mises en place et de proposer aussi une deuxième soirée pour ce week-end-là. Donc voilà, après, concernant notre petit programme, dans un premier temps, vers 18h30, on va avoir le groupe Soyez comme l'eau, qui n'est pas vraiment un groupe, puisque c'est... C'est un gars tout seul. Mais voilà. Quel garçon ! Voilà, c'est un gars tout seul, polyvalent, qui joue de plein d'instruments de musique, qui s'appelle Tuc Dual, si je prononce bien. Et donc voilà, c'est du rock, de la chanson française à texte, des chansons douces, des chansons rock, c'est quelque chose d'un peu fun, un peu rigolo, de ton sens, ça peut être engagé. Quand je dis engagé et rigolo, il se qualifie lui-même de punk cacha. Donc c'est montrer un peu l'ambiance, donc je pense que c'est quelque chose de très très sympa, voilà, ça va être un très très bon moment et surtout c'est une belle découverte. Et pourquoi ça s'appelle Soyez comme l'eau, c'est aussi un peu une métaphore dans le sens où l'eau peut prendre plein de formes et la musique de Tuc Dual, elle prend plein de formes, c'est ce qu'on a dit, du rock, du pop, des choses fun, des choses engagées, un peu de tout. Nos auditeurs ne seront pas dépaysés puisque dans la playlist de Radioactive on retrouve assez régulièrement Soyez comme l'eau. Alors, quoi d'autre pour cette soirée ? Alors, en deuxième groupe, deuxième partie, Voice de Pâle, qui est un groupe de chargés. En fait, c'est un groupe de voisins, un groupe de potes qui jouent ensemble depuis plus de 10 ans et qui chantent surtout leurs compositions en français et en anglais. Vous retrouverez Anne au chant et à la guitare, Ben à la guitare, Nico à la batterie et au chœur aussi, François à la basse, ainsi qu'au chœur, et ça donc depuis plus de 10 ans qu'ils jouent ensemble. Et d'ailleurs, l'année dernière, sur la petite fête de la musique de Mosne, on devait avoir les Voices de Pâle, mais Anne était aphone, malheureusement, avait dû annuler cette prestation. Donc on est content qu'il puisse rebondir et se produire cette fois-ci à Mosne. Oui, et puis pour tous ceux qui veulent le découvrir un petit peu avant, donc vous pouvez les trouver sur Internet, soit sur les plateformes, soit sur leur page Facebook. N'hésitez pas à les écouter, ça vous donnera envie. C'est un style rock varié, allant de la pop, rock, voire même du heavy metal. Super, super. Jusqu'ici, pas de fausses notes. On est sur de la bonne programmation comme on aime pour une fête de la musique. Et qu'est-ce qui nous attend après ? Est-ce qu'il y a encore des groupes ? On n'aura que deux groupes pendant cette soirée, mais l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de convivial, garder un esprit village et petite fête de la musique. Donc après, on aura Chris Absolute qui va s'occuper de nous concocter un karaoké sur la place de l'église. Donc un moment vraiment sympa, convivial, où les gens pourront se lâcher, se faire plaisir. Super, eh bien, j'espère que vous avez noté. Si vous voulez montrer votre joli filet de voix, il s'agira d'être à Mône. Alors, en termes d'horaire, Didier, vous nous expliquiez que début des hostilités plutôt vers 18h30. Voilà, on peut venir dès 18h. Normalement, le premier groupe devrait commencer à partir de 18h30, 19h, pendant une bonne heure. On aura des petits interludes musicaux avec une playlist très sympa, un petit peu live entre chaque groupe, voilà, pour pouvoir garder tout le monde dans une bonne ambiance. Le deuxième groupe devrait commencer à jouer, on va dire, vers 20h30 jusqu'à 21h, 21h30. Et puis après, on enchaînera directement sur le karaoké. Et ça peut durer très longtemps, tant qu'il y a de l'ambiance. Voilà, on continuera à chanter. On ne l'a pas précisé, mais tout ça, c'est entièrement gratuit. C'est-à-dire qu'on peut venir assister à ces deux concerts, plus à la partie karaoké, gratuitement. Oui, voilà, c'est complètement gratuit, il n'y a aucun souci, c'est la fête de la musique. Pour des raisons logistiques, donc la route principale de Mône ne sera absolument pas coupée. Pour simplifier, s'il y a vraiment beaucoup de monde, n'hésitez pas à vous garer carrément sur le parking de la salle des fêtes et venir à pied, c'est pas très loin, vous êtes à 200 mètres, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et puis après, d'un point de vue festivité, Vincent l'épicerie va vous proposer tout ce qui est pizza, cuite sur place, saucisson, apéro, gâteau apéro, enfin il y aura plein de petites choses sympas. On va mettre quelques grandes tables un peu partout, on va mettre des grandes tables sur le côté gauche de l'église, devant Maison LW. Donc on va mettre un bar avec des vins locaux, une tireuse de bière artisanale de Sologne. Enfin voilà, ça sera très sympa. À consommer avec modération, mais ça sera très sympa. C'est toujours bien de le préciser. On voit qu'on a un connaisseur. Super Didier, alors pourquoi est-ce qu'il faut venir à la fête de la musique à Mône et pas ailleurs? Pourquoi samedi 22, c'est ici, dans notre commune, qu'il faudra être? En fait, je pense qu'il y aura plein de choses absolument géniales partout, mais c'est vrai que Mône, c'est un petit village sympa qui bouge. Et si vous voulez chercher une ambiance conviviale, de l'échange, rencontrer du monde, papoter, écouter de la musique, partager en prenant un verre, manger une pizza, ça sera la place où il faudra être. Voilà, et l'occasion de découvrir et de goûter de nouveaux produits, tous de grande qualité. Où est-ce qu'on peut se renseigner si on a partenu tout ce qu'on vient d'entendre ? Simplement, vous allez sur la page Facebook Maison LW. Si dans le moteur de recherche vous ne trouvez pas, vous rajoutez Maison LW, mais Mône. Comme ça, vous le trouverez. Toutes les informations, l'affiche, des liens vers les groupes que vous pourrez comme ça les écouter directement sur Internet pour les découvrir. Merci beaucoup Didier. On se retrouvera très bientôt sur l'antenne de Radioactive pour parler spécifiquement de la Maison LW puisque c'est une actualité locale, cette boutique qui vient d'ouvrir et qui est encore en mise en place. Il y a des choses qui se développent et qui seront à découvrir encore tout prochainement. Donc vous viendrez nous en parler. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. En effet, il y a plein de choses à découvrir et puis on parlera aussi peut-être de Mône en fête prochainement aussi. Est-ce que c'est aussi une date à retenir dès maintenant, début septembre? Pareil, vous pouvez aller voir ça sur la page Mône en fête sur Facebook et comme ça vous aurez déjà plein d'informations. Merci Didier. Merci à toutes et à tous et puis à samedi soir. C'est la fin de ce mag. Vous pourrez retrouver en podcast sur la page Radioactive 93 et 94.7 FM. À demain à 18h pour une nouvelle édition.